Bonjour, je m'appelle Esteban Bonti, je suis directeur commercial externalisé à temps partagé au sein d'un réseau qui s'appelle Bras droit des dirigeants. Bras droit des dirigeants est ici présent au salon SME pour présenter notre activité qui est destinée à proposer à des TPE et PME dans chacune des régions de France des expertises en direction commerciale, marketing ou encore direction générale. Nous sommes externalisés parce que nous intervenons en prestation de services et à temps partagé parce que nous adaptons notre accompagnement en fonction des besoins des entreprises à raison d'une demi-journée ou une journée par semaine. Aujourd'hui, nous cherchons à accompagner des TPE, PME du territoire pour les accompagner dans leur développement. Et d'autre part aussi, nous cherchons des candidats qui souhaitent rejoindre notre aventure sur les différentes expertises que nous proposons. Donc n'hésitez pas à venir nous visiter au salon SME ou à venir nous rendre visite sur notre site internet bras droit des dirigeants.com. Merci.